Du recueil L'ensorceleuse d'Arthur Conan Doyle. Un cœur en loterie. Bob ! Criai-je. Pas de réponse. Un rapide crescendo de ronflement terminé par un très long soupir. Réveille-toi, Bob ! Oh, ça ! Qu'est-ce qu'il y a donc ? Demanda une voix endormie. Il va être l'heure de déjeuner, expliquai-je. Zut, pour le déjeuner ! Bougonna l'obstiné dormeur. Et puis, il y a une lettre, Bob, insistai-je. Pourquoi diantre ne le disais-tu pas tout de suite ? Allons, vite, donne-moi ça ! Obéissant à cette cordiale injonction, je m'avançai dans la chambre de mon frère et me perchai sur le bord de son lit. « Voici, lui dis-je, en lui tendant la lettre, timbre indien, tempo de Brindisi. De qui cela peut-il venir ?»« Si on te le demande, tu répondras que tu n'en sais rien, boulotte, » me répliqua mon frère qui, après s'être frotté les yeux et avoir relevé les boucles emmêlées qui lui retombaient sur le front, se mit en devoir de rompre le cachet. « Or, s'il est une appellation qui, plus que tout autre, m'inspire un profond mépris, c'est bien celle de boulotte. » Une bonne de mauvais caractère, frappée sans doute du contraste que présentait mon visage rond et grave avec mes petites jambes potelées, m'avait, dans mon enfance, octroyé cet odieux sobriquet. En réalité, je ne suis pas plus boulotte que les autres jeunes filles qui ont comme moi 17 ans. Aussi me levai-je d'un bond avec autant de dignité que de colère, et je me préparais déjà, en manière de représailles, à arracher à mon frère son oreiller pour le lui jeter à la tête, lorsque je m'arrêtai soudain, en voyant la mine intéressée que sa physionomie avait prise. « Devine un peu qui nous arrive, Nelly, » me demanda-t-il. « Un de nos plus anciens camarades. »« Comment cela, de l'Inde ? Ce ne serait pas Jack Hawthorne, par hasard. »« Lui-même, » répondit Bob. « Jack rentre en Angleterre. Il va venir passer quelque temps avec nous. Il m'écrit qu'il arrivera ici presque en même temps que sa lettre. Allons, ne danse pas comme ça. Tu vas faire tomber mes fusils ou casser quelque chose. » « Tiens-toi tranquille et reviens t'asseoir ici, près de moi. » Bob parlait avec toute la pondération des 22 étés qui avaient passé sur sa tête blonde. Je m'empressai donc de lui obéir en me calmant et en reprenant ma place sur son lit. « Ce qu'on va s'amuser, » m'écriai-je. « Mais j'y songe, Bob. Quand Jacques nous a quittés, c'était un gamin, et maintenant ce doit être un homme. Nous allons le trouver joliment changé. »« Dame, si tu veux aller par là, » me dit Bob, « toi aussi, tu n'étais qu'une gamine dans ce temps-là, une vilaine petite gamine avec des boucles sur les épaules, tandis qu'à présent... »« Eh bien quoi, à présent » demandai-je. « Eh bien, à présent, tu n'as plus de boucles, et puis tu es beaucoup plus grande et plus vilaine. » Les frères ont une salutaire influence sur leurs sœurs. Ils sont toujours là, point nommé, pour leur rappeler qu'elles ne doivent pas avoir une trop haute opinion d'elles-mêmes. Je crois que tout le monde fut content au petit déjeuner en apprenant le prochain retour de Jack. Quand je dis « tout le monde », je veux parler de ma mère, d'Esley et de Bob. Pour sa part, notre cousin Solomon Barker ne le fut pas du tout lorsque, tout essoufflé et triomphante, j'annonçais la grande nouvelle. Je n'y avais jamais prêté attention jusque-là, mais il faut croire que ce jeune homme était amoureux d'Elsie et redoutait que Jack devînt son rival. Sans quoi, je ne m'explique pas très bien pourquoi il aurait ainsi repoussé son assiette en déclarant qu'il avait merveilleusement déjeuné sur un ton agressif qui donnait un démenti formel à ses paroles. Quant à Grace Meberly, l'amie d'Elsie, elle parut contente, elle aussi, mais selon son habitude, elle ne le laissa voir que très peu. Pour mon compte, j'étais si heureuse que je pensais en devenir folle. Jacques et moi, nous nous étions en effet connus tout enfant. Il avait toujours été pour moi comme une espèce de frère aîné, jusqu'au jour où il était devenu cadet et nous avait quittés. Combien de fois Bob et lui étaient grimpés dans les pommiers du vieux Brown, tandis que je recevais d'en bas leurs cueillettes dans mon petit tablier blanc. Je ne me rappelais guère d'aventures ou d'escapades de notre enfance où Jack n'avait pas tenu le premier rôle. Mais maintenant ce n'était plus Jack, c'était le lieutenant Hawthorne. Il avait pris part à la campagne de l'Afghanistan, et comme le disait Bob, c'était un vrai guerrier. Quelle apparence aurait-il ? Je ne sais trop pourquoi, mais ce mot de guerrier m'avait toujours fait me représenter Jack armé de pied en cap, coiffé d'un grand casque empanaché, altéré de sang et de carnage, et frappant d'estoc et de taille avec une énorme épée. Aussi craignais-je fort qu'ayant accompli une fière besogne, sa grandeur ne lui fît dédaigner nos bonnes parties d'autrefois, nos charades et tous les autres amusements qui étaient de tradition au château de Hatherley. Cousin Sol se montra à coup sûr fort déprimé pendant les quelques jours qui suivirent. C'est à peine si l'on parvenait à le décider à faire un quatrième au tennis. Il témoignait par contre de beaucoup de goût pour la solitude et le tabac fort. Il nous arrivait de le rencontrer dans les endroits les plus imprévus, tantôt dans le petit bois, tantôt sur le bord de la rivière. Et dans ces occasions-là, s'il ne lui était absolument pas possible de nous éviter, il se mettait à regarder au loin d'un œil rêveur, sans prendre garde à nos appels et à nos ombrelles agitées. Franchement, il devenait bien malhonnête avec nous, et c'est pourquoi un beau soir, avant le dîner, me redressant de toute ma taille de 5 pieds 4 pouces et demi, je me suis en devoir de lui déclarer tout net ce que je pensais sur son compte. À ce moment, cousin Sol, allongé dans un rocking chair avec le Times devant lui, regardait distraitement le feu par-dessus son journal. J'en profitais pour commencer aussitôt l'attaque. « Il paraît que vous avez à vous plaindre de nous, monsieur Barker, » lui dis-je, d'un ton poli, mais un peu hautain. « Comment cela ? » me demanda mon cousin. « Dame, vous semblez avoir rompu toutes relations avec nous, » lui fis-je observer. Puis, abandonnant tout de suite ma morgue empruntée, « Voyons, Sol, c'est stupide ce que vous faites. Qu'est-ce que vous avez donc ?»« Mais rien, Nell, je vous assure, ou du moins rien qui mérite attention. » « Vous savez que c'est dans 2 mois que je passe mes examens en médecine. Il faut bien que je m'y prépare. »« Oh ! » m'écriai-je, toute fiévreuse d'indignation. « Du moment qu'il en est ainsi, il ne me reste plus rien à dire. Évidemment, si vous aimez mieux vous occuper de squelettes que de vos amis ou de nos parents, c'est votre affaire. Heureusement, il y a encore d'autres jeunes gens qui cherchent à se rendre agréables, au lieu de bouder, sous prétexte d'apprendre à charcuter les gens. » Lui ayant jeté à la figure cet épitomé de la noble science chirurgicale, je me mis à redresser à grande tape les coussins des fauteuils. « Ne cherchez pas à me détourner de mes études, Nell, » me dit-il. « Vous savez bien que j'ai déjà été retoqué une fois. » « Du reste, » ajouta-t-il d'un air grave, « vous aurez amplement de quoi vous amuser lorsque ce lieutenant, comment s'appelle-t-il, ce lieutenant Hawthorne viendra. » En tout cas, Jack, lui, ne s'occupera pas autant que vous des momies et des squelettes, ripostai-je. Est-ce que vous avez l'habitude de l'appeler toujours Jack ? Me demanda-t-il. Naturellement. Cela a l'air si dur de dire John. J'avais toujours présente à l'esprit l'hypothèse que je m'étais formée à propos d'Elsie. L'idée me vint que je pourrais peut-être donner à l'affaire un tour plus engageant. Sol avait quitté sa place et s'était mis à regarder par la fenêtre ouverte. Je m'approchai de lui et relevai les yeux vers sa figure d'ordinaire si pleine de bonne humeur, mais en ce moment sombre et renfrogné. En général, c'était un garçon fort timide. Néanmoins, j'espérais, en le stimulant un peu, arriver à lui arracher quelques aveux. « Vous n'êtes qu'un vilain jaloux. Je connais votre secret, » lui dis-je, en payant d'audace. « Quel secret ? » interrogea-t-il en rougissant. « Suffit, je vous répète que je le connais, voilà tout. Mais laissez-moi vous dire une chose. » poursuivis-je, en m'enhardissant encore davantage. C'est que Jacques et Elsie n'ont jamais fait très bon ménage ensemble. Il y a bien plus de chances pour que Jacques s'éprenne de moi plutôt que d'elle. Nous avons toujours été grands amis, lui et moi. Si j'avais piqué brusquement cousin Sol avec l'aiguille à tricoter que je tenais à la main, il n'aurait pas plus violemment sursauté. « Grand Dieu ! » s'exclama-t-il, et je vis ses grands yeux qui me fixaient étrangement dans la lueur déjà diffuse du crépuscule. « Vous vous imaginez donc que je suis amoureux de votre sœur ?»« Mais certainement, » répartis-je avec conviction, et bien résolu à n'en pas démordre. Jamais deux mots aussi simples n'avaient produit autant d'effet. Cousin Sol fit volte-face en poussant un cri de stupeur et sauta tout droit par la fenêtre. Il avait toujours de bizarres façons d'exprimer ses sentiments, mais celle-ci me parut à tel point originale que je ne songeais pas à autre chose qu'à m'en émerveiller. J'étais resté figé à la même place, les yeux fixés vers la nuit qui tombait. Au bout d'un instant, j'aperçus sur la pelouse une figure très confuse et plus étonnée encore qui me regardait. « C'est vous que j'aime, Nelly, » me dit cette figure. Et elle disparut aussitôt, tandis que j'entendais des pas précipités qui s'éloignaient le long de l'avenue. Il n'y avait pas à dire. C'était un bien surprenant jeune homme que cousin Sol.